nanga lisusu nini bapangi yo na nzoto ya bana bato makilei na nzoto mama o oh, mama e ngai natika mboka e nakoma nesanga natongi ya ngai ndako awa mpona boya balobi lisusu yo landanga na kovokatio na likambo nayebi te moseka mata bwato mama tokei na zoneo likambo ya mwana moto ngami akoma na ngai nesanga potika ngai nge te mwana mawa le monde de chan ngai nakima wapio tika nakende malukue soki mpe molobo te nakei na mbandaka soki balandinga na bumba na matikisanga nio ebaleko etonda makambo bwame boimonano e ngai natuni yo lelo na kati ngo ya baninga olukaka nini yo na nzoto na ngai e babotanga na tata na mama lokola kaka yo nasalaka mosala ya ndobo mpo nasalisa fami nafuta mpako ya leta o sitoye lisusu yo lukangai nalongwa na mokili okozwwa nini na yo se peli Moninga Botika ngai na landa La vie a mbereketé La vie a sans souci Abaninga Tango ya liwa L'état a kundangai Ça c'est vrai.